Le français Cyril Fournier est pilote de ligne. Il semble éternellement jovial et se définit comme sympathique, ouvert, curieux et tout.